Ami Pono, ami Ponote, ladies and gentlemen, j'ai l'immense honneur ce soir de vous présenter, après leur adieu monumental à la scène, les frères Matin dans leur comeback, qui vont nous interpréter magistralement Nicole. On les applaudit et c'est parti. Tu fais l'intro? Allez, c'est pour le puits. Pour cette formidable interprétation. Revenez quand vous voulez, c'est parfait. Je rien du tout. C'est nous. Merci. Non, vraiment, c'est nous. Merci. C'est nous. Merci.